yell them whammy. Game oye palife zombie. Pump is there. Hatch me. Gal no mwen se pompe, se ke Eril Gyalis. A pa konet le chek, rele mo Jack Norris. Ou pa men, mwen mwen deye, dou bout konde holy sorcele. Sele l'unik pa ni zafè de podis. Gal ouve sa flesyen ke vene, yon kole sone po sav. Dou ban poum pou man pa kakouri, na deklari. Je pa tout di a mo kabay depi fote fon. Jis ma tout ri ba mo negre chabin. Chape kole, je pa l'tan pou le gamin. Gate pouri, non. Dega sa fini. Toujours au vini ghetto. Sans vini ghetto. Pou vini ghetto. Tou akoli satisfait. Ou rembourse. Gal se promis. Will stemin amen. Pas jamais ka y trop vite. Non ma ou bad. Nou ka boy kon lip. Tonic latini. Et chip serye la panie. Et chip comic. L'autre boy kon nou pas jamais fè les vitrine. L'autre boy kon nou pas ka fè copain copine. L'autre boy kon nou ka fè des coach chevotine. Fancy nou kon vampire deye hemoglobin. L'autre boy kon nou pas besoin pièce caféine. Boy kon nou ka pa fan bon vitamine. Road boy kon nou se road sex machine. Beta lou fon ye vant kon dashin dashin. Yon ma we se ye pon nou ti pa ka kon pon nan patat. Tou rive si plas nou ka gale fan pakat. Yal ka pliye yande yon pa moutan da klap. Bise, hear this, bambo klap. Bise se fam ya mou pa jen ka fe kamarad. Number one nou fon tout tit parad. Ki se anglaise, francaise, afriken ou arab. Bise, teaser trend yal, straight forward. Road boy kon nou pa jamais fè les vitrine. Road boy kon nou pa ka fè copain copine. Road boy kon nou ka pété coach chevrotine. Femme si nou kon vampire deye hémoglobine. Road boy kon nou pa besoin pièce caféine. Road boy kon nou ka pa fan bon vitamine. Road boy kon nou se road sex machine. Beta lou fon ye vant kon dashin dashin. Gal non mwen se pompe, se ke Eril Gyalis. An pa konèt le chek, rele mo Jack Norris. Ou pa men mwen mwen deye, dou bout konde holy sorcele. Seule l'unique pas les affaires des podis. Gal ouve sa flesyen ke vene. Yon kole sone po sav. Dou ban poum pou man pa kakouri. Na deklari. Je pa tout di a mo kabay depi fote fon. Jis ma tout ri ba mo negre chabin. Chape kole je pa l'tan pou le gamin. Gate pouri. Non, 100% dega sa fini. Toujou goli vini ghetto. Sans vini ghetto. Pou vini ghetto. Dou akoli satisfait. Ou rembourse. Gal se promis. Will stemin amen. Pa jamais ka y trop vite. Mafia. House.